Vous administrez sans claque sur le chignon, leur répondis-je, et sans coup d'épée aux malotrus qui oseraient vous défendre. Elles se turent et quittèrent la place. Catalina de Erauso, nonne et soldat, de Jean-Philippe Noël, avec Catalina de Erauso, Julie Moulier, l'évêque Gérard Giroudon, le corrégiador Nicolas Struve, le capitaine Sébastien Faglin, Béatrice Claire de la Rue du Camp de la Comédie Française, Miguel de Erauso, Gwendal Anglade, et les voix de Ayouba Ali et Justin Blanquert. Bruitage Patrick Martinache, prise de son, montage et mixage Jehan-Richard Dufour et Sacha Tropp, assistant à la réalisation Yaël Mandelbaum et Félix Levaché, réalisation Benjamin Habiton. Vous écoutez Autant d'emporte l'histoire sur France Inter. Dans quelques minutes, on continue de parler de Catalina de Erauso avec mon invitée Hélène Soumet. Une chanson qui sent bon le chagrin, pour te dire combien je suis seul, pour te dire combien je suis lasse. Un couplet aux airs de faux refrains, pour dire combien la vie est laide, oui combien elle est dégueulasse. Une chanson qui frise la complainte, pour te dire que la pluie est triste, pour te dire que la neige est crade. Que la lumière n'est que demi-teinte, que j'ai l'air d'un équilibriste, plus que d'un avaleur de sabre. Je me souviens de ton doux sein bruit en ligne, puis rien de rien, plus un mot, un battement de cils. Je me souviens.